إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 23 dans la série des durous du cheikh au sujet du livre du cheikh Salih Al-Fawzan Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Et on avait commencé la semaine dernière au sujet de Salatul Jama'a, les règles de la prière en Jama'a. Et donc on continue cette partie aujourd'hui, inshallah. Et on est arrivé au point où le cheikh il dit: أيها المسلم مكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ça c'est le début des paroles du Cheikh. Ensuite il mentionne une autre ayah qui dit: وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. Donc le cheikh il dit que l'endroit où on doit établir les prières en jama'a, c'est les mosquées, pour montrer la grandeur des principes et des règles de l'islam et des rituels de l'islam. Et ça a été établi et légiféré les mosquées ont été établies dans ce but-là, dans le but qu'on puisse établir les prières dedans. Et donc le cheikh il dit, si on établit la jama'a en dehors des mosquées, donc ça amène que en réalité on rend les mosquées inutiles. C'est comme si on les a privées de leur utilité, parce que elles ont été établies pour qu'on prie dedans. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, il mentionne le verset dans Sourate An-Nur, le verset 36 et 37, qui dit: dans des maisons, des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi, des hommes qui ne se laissent pas distraire ni par le commerce et ni par le troc. Rien ne les distrait parmi ces choses-là de l'invocation d'Allah et de l'établissement de la salat et du fait de donner la zakat, et ils craignent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Donc ça c'est un très beau verset que le cheikh a mentionné. Et après il mentionne un autre verset dans Surat At-Tawba, le verset 18, qui dit que les gens qui peuplent les mosquées d'Allah, c'est uniquement ceux qui ont cru en Allah au jour dernier et qui ont établi la salat. Donc c'est une forme de glorification pour les mosquées et pour les gens qui peuplent les mosquées. Donc le cheikh il continue en disant ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن حضور الصلاة عن الحضور للصلاة فيها. Donc le cheikh il dit que dans ces deux versets il y a donc يعني une forme de glorification comme on a dit pour les gens de la mosquée et pour la mosquée elle-même également, et une promesse de miséricorde et de récompense pour ceux qui peuplent les mosquées. Et yani également il y a une critique indirecte de ceux qui délaissent la prière dans les mosquées en même temps et qui s'absentent ou qui s'éloignent des mosquées. Alors ça implique également une critique de ces gens-là. Et le cheikh il mentionne un hadith qui est malheureusement daïf, qui dit وَقَدْ رَوَى أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. Ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira par l'imam Ad-Darqutni et Al-Bayhaqi et Al-Hakim et Ad-Darqutni. Il a rapporté selon Jabir. Donc c'est un hadith qui a été déclaré daïf par le chef Mohamed Nasruddin al-Albani dans Irwa al-Ghalil, c'est le hadith numéro 491 pour ceux qui veulent vérifier. Ensuite le chef il mentionne encore une suite à cette isnad ou à ce hadith là, il mentionne une autre version, celle de al-Bayhaqi, qui a mentionné un ajout qui dit wa jaru al-masjid man asma'ahu al-munadi. Man asma'ahu al-munadi. Donc ça c'est une autre ajout qui est du même hadith, mais ajouté l'ajout de al-Bayhaqi, et yani c'est qui complète la partie du hadith. Le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire en français? Ça veut dire il n'y a pas de prière pour celui qui habite près de la mosquée excepté dans la mosquée. Et la suite de Bayhaqi, c'est quoi? C'est et le voisin de la mosquée et celui qui entend l'appel. Toutefois, c'est comme on a dit, c'est daif. Ensuite, le cheikh dit: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit que celui qui médite correctement sur les preuves yani du Coran et de la Sunna, il va voir clairement que de faire la prière dans la mosquée, c'est obligatoire pour chaque musulman, excepté s'il y a une excuse valable. Hein. Donc, il faut qu'il prie à la mosquée et en groupe, et que c'est obligatoire à chaque homme musulman. Donc, celui qui a manqué le fait de prier en groupe dans la mosquée, sans excuse, c'est comme s'il avait manqué la jama'a. Katark asli jama'a li ghayri uzrin. Yani, c'est ça. Celui qui manque il se présente pas à la mosquée sans excuse, c'est comme s'il a manqué la jama'a sans excuse. Et c'est comme ça qu'on peut réunir les ahadiths à ce sujet-là. Après, il dit, وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ مَنْ عَطَّلَ الْمَسَاجِدِ وَمَنَعَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ فِيهَا. C'est-à-dire, yani, les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire, celui qui abandonne le fait de se présenter à la mosquée, yani, en partant, c'est sûr que c'est comme s'il a abandonné à la base la jama'a, sans excuse. Tark asl al-jama'a. Après il dit وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ مَنْ عَطَّلَ الْمَسَاجِدِ وَمَنَعَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. C'est le verset 114 dans Sourate Al-Baqarah. Ça dit: qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y être qu'apeurés, c'est-à-dire devraient avoir uniquement de la crainte, des gens comme ça. Pour eux, ils auront une ignominie ici-bas, c'est-à-dire une humiliation ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment. Donc ça, c'est le verset dans Surat Al-Baqarah. Et le Cheikh, il dit donc que Allah a menacé ceux qui empêchent l'établissement de la prière dans les mosquées et qui rendent les mosquées inutiles. Comme dans certains endroits où les mosquées sont barrées et on les ouvre pas même à l'heure de la prière. C'est comme si on empêche les gens d'aller faire la prière dans les mosquées pour punir les gens ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples de ce cas-là. Et il dit donc, le cheikh, que il y a une menace grave pour les gens qui font ça. Et après, il dit: وفي إقامة الصلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا فكل ذلك مطلوب. Donc le cheikh, il dit, dans l'établissement de la salat en jama'a à l'extérieur de la mosquée, c'est comme si ça rend les mosquées inutiles et donc ça diminue de l'importance de la prière, du nombre des gens qui vont prier dans la mosquée. Et donc, ça diminue également l'importance de la mosquée dans le cœur des gens et l'importance de la prière en groupe dans le cœur des gens. Et donc, ça, c'est mauvais parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et dans des maisons, c'est-à-dire dans des mosquées, qu'Allah a permis qu'on élève, et qu'on mentionne son nom. Donc, le cheikh, il dit, ça implique non seulement, de les élever, ces mosquées-là, réellement, physiquement, c'est-à-dire de les construire et de les élever, mais également, ça implique également de les élever de façon, disons, symbolique, dans le sens qu'on les élève dans notre cœur, par l'importance qu'on donne à cette mosquée-là. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est exigé, donc, par l'islam. Après, il dit: ولكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم وإذا صلوا في مكانهم كان أجزم للعمل وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلى أو يصلي فيه غيرهم لعله في تلك الحال نظرا إلى هذه المصوغات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. Donc le cheikh, il dit donc, si par contre il y a un besoin d'établir la prière en jama'a, en dehors des mosquées, dans le sens que, par exemple, les gens prient à l'endroit où ils sont, employés, et qu'il y a une place dans l'endroit où ils travaillent pour établir la prière. Donc, ils prient à l'endroit où ils sont, à l'endroit qui est réservé pour faire la prière dans leur travail. Il dit que ça, c'est quelque chose, disons, qui va pas nuire aux mosquées, qui qui sont autour, parce qu'il y a également des gens, disons, qui sont proches, qui sont à proximité de ces mosquées-là, qui vont les remplir. Et donc le fait qu'ils soient en train d'établir la prière, que eux, ces employés-là, soient en train de prier là où ils travaillent, ça va pas rendre les mosquées inutiles, du fait qu'il y a toujours des gens quand même qui vont prier là-bas. Donc le cheikh, il dit, étant donné qu'on voit les contraintes peut-être, ou bien les choses qui sont reliées à la question dont on a donné l'exemple, eh bien, il dit qu'il n'y a pas de problème pour ces gens-là de prier à ces endroits-là, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une possibilité pour eux, et que c'est plus facile pour eux d'établir la prière dans leur endroit de travail. Et là, bien entendu, le cheikh, il parle des endroits où les gens travaillent dans les pays musulmans, hein, parce qu'il parle bien entendu de la société où, en Arabie Saoudite, donc c'est-à-dire dans les sociétés là-bas comme en Arabie Saoudite, il y a des endroits où, bien entendu, il y a des gens qui travaillent, puis il y a des salles où il y a des places de prière à l'intérieur. Et donc les gens, ils établissent la prière dans ces endroits de travail-là ou dans ces milieux de travail-là. Et donc, toutefois ici dans les pays comme en Europe ou bien en Amérique et des choses comme ça, bien entendu, il n'y a pas autant de mosquées qu'en Arabie Saoudite. Et donc, des fois il y a des mosquées qui sont, disons, à 30 minutes de distance. Et donc, pour arriver à la mosquée lorsqu'on est au travail, c'est malheureusement pas possible. Et ça, c'est bien triste, du fait que nous, les musulmans, on soit dans des situations comme ça où on est obligé parfois d'être loin de la mosquée. Dans le sens qu'on est obligé de prier au travail ou ailleurs, on peut pas aller à la mosquée. Et donc ça, c'est quelque chose qui est triste dans un sens. Mais si c'est possible pour quelqu'un qui travaille dans un endroit et il y a une mosquée à proximité, qu'il est capable d'aller travailler à sa mosquée, de travailler et d'aller prier à la mosquée par la suite, eh bien ça, bien sûr, il n'y a pas de doute que ça, c'est quelque chose de bien et que c'est préférable à faire. D'accord? Toutefois, subhanallah, dans d'autres pays musulmans, eh bien, on m'a dit que lorsque c'est l'heure de la prière, parfois, subhanallah, les employeurs permettent pas aux employés d'aller faire la prière à la mosquée dans des pays musulmans. Et donc, et parfois aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a des pays musulmans où les gens, lorsqu'ils entendent l'adhan, ils continuent à vendre et à acheter et à se promener, comme si rien n'était, et puis ils s'arrêtent pas pour aller faire la salat dans la mosquée. Donc ils ne répondent pas à l'appel de la prière. Et puis ça, c'est contraire à l'islam, il n'y a pas de doute. Et donc parfois même j'ai entendu certains musulmans faire des commentaires, Allah musta'an. Je pense qu'ils n'étaient pas conscients de la contradiction de qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire, mais quand on regarde, ils disaient par exemple, oh, en Arabie Saoudite par exemple, il y a des polices qui passent dans les rues et des musulmans qui passent, qui travaillent pour appeler les gens à aller à la mosquée. Et si les gens retardent, bien entendu, ils vont avoir des amendes ou bien des punitions, des choses comme ça. Donc les gens ferment les magasins lorsque c'est l'heure de la prière pour aller faire la salat. Donc on voit que il y a un grand bien dans ça, parce que la prière, c'est obligatoire, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un dit, moi je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux, mêle-toi de tes affaires, ou des choses comme ça, comme les musulmans, certains musulmans aujourd'hui, quand on leur ordonne le bien, et quand on leur interdit le mal, ils nous répondent de cette façon, ils disent, ça c'est mes affaires, ça me regarde. Hein? C'est-à-dire, ça me regarde, subhanallah. Si tu fais quelque chose devant tout le monde, alors comment tu peux dire que ça te regarde? Ça regarde tout le monde qui te regarde, parce qu'on peut te voir, hein. Mais si tu fais quelque chose, personne te voit. Ça te regarde en toi et Allah. Mais quand tu fais un péché devant tout le monde et tu dis ça me regarde, ça regarde tout le monde qui te voit. Et donc tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, qu'est-ce qui est en Arabie Saoudite du fait que les musulmans là-bas ordonnent les gens d'aller à la mosquée pour faire la salat lorsque c'est l'heure de la prière? C'est pas seulement en Arabie Saoudite que ça doit être comme ça, mais c'est dans tous les pays musulmans. Lorsqu'il y a l'heure de la prière, tout doit être fermé parmi les magasins et les choses de ce genre, et les gens doivent arrêter de vendre et d'acheter, et ils doivent se diriger vers la mosquée, faire leur wudu, aller faire la prière en jama'a, tout le monde, et retourner par la suite après la prière, faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et la prière, ça dure pas longtemps, yani, ça dure seulement 10 minutes maximum. Donc, alhamdoulillah, yani, qu'est-ce que ces gens-là attendent pour établir la religion d'Allah? Hein, vraiment, c'est une question de négligence et de paresse de leur part. Donc, et la faiblesse de la foi, bien entendu. Yani. Donc, il faut que ces choses-là changent dans les pays musulmans et que les gens donnent une importance à la mosquée. Ils donnent une importance à la prière en jama'a. D'accord? Parce que c'est un des principes les plus importants de l'islam. D'accord? Donc, alhamdulillah, on voit que les gens qui critiquent l'Arabie Saoudite pour le bien, ces gens-là, yani, si c'est pas qu'il y a une ignorance en eux, sinon c'est une maladie dans le cœur, yani. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de critiquer. Ils disent, ah, mais les gens, ils vont là-bas, pas parce que ils veulent prier, mais parce qu'ils ont peur de la police ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui vous a dit que ces gens-là, ils ont pas la sincérité dans leur cœur? Parfois, ces gens-là, ils vont être poussés à aller faire la prière, et c'est juste parce que le shaitan qui les empêche d'y aller, ou leur passion, ou leur désir, et le fait qu'il y ait cette autorité-là qui vienne, qui les rappelle de l'obligation de la prière, eh bien ça les aide contre leur shaitan, et ça les aide à combattre leur paresse, et à repousser le shaitan contre le mal, qui les empêche de faire le bien. Donc, alhamdoulillah, tandis que dans d'autres endroits, on encourage le shaitan contre les gens. Les gens sont assis dans les cafés, devant les téléviseurs, en train d'écouter de la musique, en train de fumer la chicha ou autre. Et on entend le mot Azin et personne se lève pour faire un pas vers la mosquée. Et puis après on dit La ilaha illallah. Donc il y a un problème dans le cœur des musulmans si la situation est comme ça. Donc pour que ça change, hein, il faut qu'on réalise le problème et qu'on essaie de le corriger. Et c'est pas juste, par exemple, on commence à critiquer des gens qui font un effort pour corriger les problèmes de la société et améliorer la situation. Et nous, on regarde les autres pays musulmans et on voit que eux, ils sont en train de négliger des choses qui sont fondamentales, hein, et qui critiquent les autres. Ça, c'est pas correct. Donc, que Allah nous aide et nous encourage, hein. Allah dit, wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Donc, il faut donner le bon conseil, rappeler aux gens les bons exemples, leur donner le bon conseil, ordonner le bien avec douceur, interdire le mal avec douceur et sagesse et connaissance, être patient avec les gens, essayer de leur donner le bon exemple. Et puis petit à petit, inshallah, peut-être que nos paroles auront plus d'influence et d'impact que les paroles des shayatines, al-ins ou al-jinn, parmi les gens qui yani, font la corruption dans les médias et ailleurs. Donc, alhamdulillah. Donc après, le shaykh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Wa aqallu ma tana'aqidu bihi salatul jama'a ithnan » dit que le plus petit nombre par lequel on peut établir une jama'a, c'est deux personnes. Et il dit li anna al jama'ata ma'khuzatun min al ijtima' wal ithnan aqallu ma yatahaqqaqu bihi al jama'. Donc le cheikh il dit parce que la jama'a c'est pris de le fait de se réunir, et le plus petit nombre par lequel on peut être réuni ou uni avec quelqu'un, c'est quand on est deux. ولحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة. Ça c'est un hadith que le cheikh a mentionné selon Abi Musa, rapporté par Ibn Majah, et ce hadith il est daif malheureusement, Il est rapporté dans Irwa al-Ghalil, c'est le hadith numéro 489. Toutefois, il y a d'autres hadiths qui sont utilisés comme preuve pour cette question-là, qui sont authentiques, comme le hadith que le Cheikh a mentionné par la suite qui dit من ولحديث من تصدق علي من يتصدق علي أو من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة رواه أحمد وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم ولمالك بن الحويرث ولي أمكما أكبركما وحكى الإجماع عن على هذا. Donc le cheikh il dit donc également à cause d'un hadith où il se base sur un hadith qui dit qui va donner une sadaqa à celui-là, hein? Alors un homme s'est levé et il a prié avec lui, et ça c'est rapporté par Ahmad an Abi Saïd al-Khudri, et c'est rapporté également par Abu Daoud et At-Tirmidhi. D'accord. Et ça, le seul qui est rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith sahih. Et en ce qui concerne la question, comme le cheikh il dit ici, il dit qui va faire une sadaqa pour celui-là, c'est un homme qui est arrivé en retard, ok. Et donc quelqu'un est arrivé en retard dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui va donner une sadaqa à celui-là. Et donc, un sahabi s'est levé et il a fait la prière donc avec lui pour lui faire sadaqa. D'accord. Et il a dit, dans un autre hadith, il a dit فَقَالَ هَذَانِ جَمَعَةً. Dans la narration de Ahmad et d'autres, il a dit ces deux-là sont une jama'a. Et à cause du hadith également, ou de la parole de Malik ibn al-Huwayrith qu'il dit, et que le plus grand des deux, ou le plus vieux des deux, soit l'imam. D'accord. Et ça, ils ont rapporté l'ijma' à ce sujet-là. C'est-à-dire l'ijma' a été rapporté, le consensus a été rapporté à ce sujet-là. Et au sujet de la jama'a, la deuxième jama'a, on sait qu'il y a un khilaf là-dessus, sujet des ulama, entre les ulama au sujet de faire une deuxième jama'a dans une mosquée, là où il y a un imam ratib, un imam qui est déjà fixe et établi dans une mosquée. Certains ulama ont dit que pour faire une deuxième jama'a, c'est pas permis. Il y en a qui ont dit que c'est pas permis de faire une deuxième jama'a. Et d'autres ont dit oui, c'est permis. D'accord. Toutefois, entre les ulama, il y a une différence d'opinion à ce sujet-là. Et c'est bien entendu que si quelqu'un veut faire une deuxième jama'a dans une mosquée où il y a un imam fixe, ils ne peuvent pas le faire, excepté avec la permission de l'imam. Et également, le fait que, il y a le fait que ça cause un problème du fait que ça diminue de l'importance de la jama'a dans le cœur des gens, parce que les gens prennent l'habitude de retarder à la mosquée, de pas arriver à l'heure, et lorsqu'ils arrivent en retard, ils manquent la jama'a, et bien ça, du fait qu'ils se disent en eux-mêmes, c'est pas grave, même si je suis en retard, je vais pouvoir faire une jama'a quand même, parce que on peut faire une deuxième jama'a, ou une troisième jama'a, ou une quatrième jama'a, donc ça finit plus. Et donc les gens perdent l'importance de la jama'a. Donc, on a des athars qui ont été rapportés de plusieurs parmi les sahaba, qui lorsqu'ils rentraient dans la mosquée en retard, ils retournaient chez eux pour faire la prière avec leur famille, du fait qu'ils avaient manqué la jama'a dans la mosquée avec l'imam. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas l'habitude que les gens faisaient une deuxième jama'a après la jama'a qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens faisaient une seule jama'a, et quand la jama'a était finie, et bien c'était fini, il n'y avait plus de jama'a, il n'y avait pas une deuxième jama'a qui allait se faire dans la même mosquée. D'accord. Donc, en Occident, c'est un problème parfois. Peut-être dans les pays musulmans, il n'y a pas tellement ce problème. Parce qu'après la prière, les gens barrent la mosquée, l'imam barre la mosquée, et puis personne ne peut rentrer par la suite. Toutefois, dans les pays comme en Occident, les mosquées sont ouvertes. Et donc, quand l'imam sort, ou quand la prière est finie, eh bien, les gens y rentrent, et là, tout le monde fait qu'est-ce qu'il veut, hein. Et quelqu'un va faire une deuxième jama'a, ou une troisième jama'a, ou une quatrième jama'a, ou autre. Et ça, comme j'ai dit, ça diminue du respect et de l'importance qu'on donne à la jama'a. Donc, le mieux à faire, wallahu a'lam, c'est que lorsque quelqu'un rentre dans la mosquée, et qu'il trouve que les gens ont déjà prié, soit qu'il retourne chez lui s'il habite à proximité et qu'il fasse la prière chez lui, ou bien le mieux c'est qu'il prie tout seul. Il ne fait pas une jama'a, mais il prie individuellement. Hein. Et également le fait que actuellement on sait que il y a toutes sortes de gens bizarres parfois qui ont des aqidas différentes et qui ont des bid'ah et qui veulent pas prier derrière un imam parce que, en particulier si l'imam et sur la sunna, s'ils ont une bid'a, ils ont des difficultés à prier derrière lui parce qu'ils n'aiment pas son manhaj ou quelque chose comme ça, si c'est manhaj salafi. Donc ils veulent faire une autre jama'a justement pour pas prier derrière cet imam. Et également il y a le fait que parfois il y a des gens qui on a déjà vu des gens comme ça font exprès d'arriver en retard, exprès justement pour pas prier avec l'imam, parce qu'ils aiment pas l'imam ou des choses comme ça. Donc ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct. Donc alhamdoulilah, il faut, comme on a dit, éviter de faire des choses comme ça. Ça crée de la division et de la fitna. Et le mieux c'est d'éviter ça. Donc ça c'est une question de faire une deuxième jama'a. Toutefois, ceux qui ont permis de faire une deuxième se basent souvent sur ce hadith là qui dit quand quelqu'un arrive, la personne est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui va donner une sadaqa à cet homme là, c'est-à-dire qui va prier avec lui pour qu'il ait une récompense, comme s'il a prié une jama'a lui aussi. Il y a un sahabi qui s'est levé pour prier avec lui. D'accord, c'est lui qui a prié pour lui, avec lui, donc pour lui c'était une sadaqa, tandis que c'est-à-dire pour celui qui prie, c'est qui a déjà fait la jama'a, pour lui c'est une nafila, c'est une prière supplémentaire qu'il fait, tandis que pour l'autre c'est sa prière obligatoire, et c'est comme si l'autre qui prie avec lui, alors qu'il a déjà fait la prière avec la jama'a, et bien pour lui ça va être comme plus de récompense. Une récompense supplémentaire. Toutefois, ça c'est dans un contexte bien précis. C'est pas une chose que les sahaba faisaient comme disons pour une habitude de faire une jama'a. Il a prié avec cette personne-là et le hadith dit pas que les gens commençaient à se mettre en jama'a derrière eux et tout ça et commençaient à faire une autre jama'a comme si c'était la première. Les gens prennent le hadith, mais parfois ils l'amènent et ils font quelque chose qui est plus que le hadith après. Donc ensuite le cheikh dit wa yubahu lin nisa hudur salati al jama'ati fil masajid bi izni azwajihin ghayra mutatayyibat wa ghayra mutabarrijat bi zinah ma'a at-tasattur at-tam wal ibti'ad 'an mukhalatat ar-rijal ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc celui-là c'est le cheikh, il dit ici que c'est permis pour les femmes de venir assister à la prière en groupe à la mosquée avec la permission de leur mari, sans toutefois mettre du parfum ou des odeurs qui sont plaisantes, comme des parfums ou des trucs de ce genre, et également sans être mutabarrija, sans exhiber nos atours. Et ça c'est quelque chose qui est Le prophète, il a interdit aux femmes de sortir avec du parfum. Hein? Et il a interdit également aux femmes, quand elles sortent, de montrer leurs atours. Et le cheikh, il dit, غير متبرجات بزينة مع التستر التام. Il ne faut pas qu'elle soit, qu'elle montre ses atours, son corps, etc. Et il faut qu'elle se couvre complètement. Et ça, là, Allah musta'an aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit parfois même dans les mosquées? Des femmes qui viennent à la mosquée avec un jeans et un foulard sur la tête. Subhanallah. Quelle prière elles viennent faire comme ça? Dans une mosquée avec un jeans. Hein? Ça c'est en premier déjà, en partant. C'est un manque complet de haya. Il y en a des femmes qui font ça, c'est-à-dire elles n'ont pas du tout de pudeur, ni de gêne, ni de honte, hein, déjà en partant. En plus de ça, pas de respect pour la mosquée. Aucun respect pour la mosquée. A'ouzou billah, ça devient comme un lieu de... Yanni, tu peux rentrer comme tu veux, habiller n'importe comment. Et Yanni, sans oublier que c'est un Yanni, contradiction totale avec les règles de l'islam. Du fait que la femme qui porte un jeans, elle n'a pas couvert sa aura, elle montre ses atours. Même si elle a un foulard sur la tête, ça ne veut rien dire. Hein? Parce que les jeans, ça montre tous les parties, hein, les formes et la silhouette du corps de la femme. Il n'y a rien qui est caché avec un jeans ou un pantalon. Il n'y a rien de plus haram que ça. Subhanallah. Hein? Sinon, qu'est-ce qu'elle peut faire dans des cas comme ça? C'est mettre une robe par-dessus ses pantalons. S'il fait froid ou des choses comme ça, elle ne veut pas sortir dehors avec une jupe ou une robe qui couvre complètement ou le jeans. Après, elle ne veut pas mettre. Elle met son djilbab par-dessus. Elle met sa robe par-dessus ses pantalons. Elle met son djilbab par-dessus. Pas sortir juste avec les pantalons puis le foulard sur sa tête. Ça, c'est pas correct. Parce que ça couvre pas et ça respecte pas les limites et les règles de la charia. Donc ça, c'est respecter les règles, surtout pour venir à la mosquée en particulier. Et si c'est pour venir à la mosquée c'est le meilleur des endroits. Donc les autres endroits, autres que la mosquée, c'est encore plus important de se couvrir. Parce que quand tu viens à la mosquée, tu viens pas pour faire la fitna. Tu viens pas pour attirer les hommes. Tu viens pour adorer Allah. Et donc imagine les autres lieux publics, autres que la mosquée, où il y a plein de shayatines. Ins ou djinn. Les shayatines parmi les hommes et les shayatines parmi les djinns. Et donc, c'est encore plus dangereux de ne pas se couvrir comme il faut. C'est encore plus proche de la fitna. Tandis que la mosquée, tu viens pour adorer, tu t'éloignes du mal, tu viens pour appeler d'Allah. Donc, il y a moins de shayatin, il y a moins de mal. Alors, tu dois te couvrir quand même, tu dois te couvrir complètement. Alors, imaginez, dans les endroits où il y a plus de mal, il y a moins de bien, il faut encore plus se couvrir. Mais la mentalité des gens aujourd'hui, on dirait que c'est un peu à l'envers. On dirait qu'ils ont l'esprit, le cerveau à l'envers. Allah musta'an, que Allah nous remette le cerveau à l'endroit et le cœur à l'endroit aussi, pour qu'on comprenne sa religion comme il faut, puis qu'on l'applique comme il se doit. Pourquoi quand on lit quelque chose, on n'est pas capable de l'appliquer? Et puis, donc, où est-ce qu'elle est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on sort de notre maison sans couvrir notre corps, où est-ce qu'elle est l'iman? Où est-ce qu'elle est cette iman? L'iman, c'est pas juste avec la bouche, hein, c'est également avec les actions et les paroles. Donc, si cette iman, elle nous fait pas changer, elle nous force pas à nous couvrir, à avoir la gêne et la honte, où est-ce qu'elle est l'iman? Hein? Subhanallah. Donc, on voit, ça, il y a un gros problème. Et même Aïcha, radiallahu anha, à l'époque, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle disait, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? C'est-à-dire les femmes après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les aurait empêchées de venir à la mosquée. Hein? Toutefois, c'est, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a permis avec les conditions. Donc si les femmes respectent ces conditions-là, elles peuvent venir à la mosquée, mais elles doivent se couvrir comme il faut. Subhanallah. Hein, donc c'est ça. Et elles doivent s'écarter des hommes. Elles ne doivent pas se mélanger avec les hommes. Et yani, le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier rang. Et la prière de la femme à la maison, elle est meilleure que la prière qu'elle fait à la mosquée. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Restez dans vos demeures. Et ne vous exhibez pas à la manière des gens de la jahiliya. Naam. Donc, on va continuer. Le Cheikh, il dit, وَيُسَنُّ حُدُورُهُنَّ مَجَالِسَ الْوَعَظِ ومجالس العلم منفردات عن الرجال. Il dit que c'est permis pour les femmes d'assister également aux cours et aux exhortations et yani مجالس العلم, les endroits où les gens s'assoient pour apprendre le ilm, et elles doivent être à l'écart des hommes. ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل. Donc le cheikh il dit dans, il dit que c'est également une sunna, c'est permis que les femmes prient entre elles et qu'elles prennent parmi elles une femme pour les guider dans la prière séparément des hommes. Peu importe que l'imam soit une d'entre les femmes, ou bien que ce soit un homme qui les prenne comme imam. C'est-à-dire, peu importe que ce soit une femme qui soit l'imam pour les femmes, ou bien qu'un homme soit imam pour elle, et que derrière, les femmes prient derrière lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَهُ أن تجعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها رواه أحمد وأهل السنن وفعله غيرها من الصحابيات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Umm Waraqa de prendre un muazzin, et également il lui a ordonné de guider les gens de sa maison en prière. Hein, c'est-à-dire c'est son esclave et les gens qui sont dans sa maison qui travaillent avec elle, qui travaillent pour elle, de les mettre derrière elle et puis de prier. Ou bien qu'elle prie, c'est elle qui les guide en prière. Yani, c'est pas comme l'autre femme aux États-Unis, là, américaine, qui a voulu faire un nouvel islam, et qui a voulu faire imam pour les gens dans la mosquée. En fait, elle s'est mise dans une église chrétienne pour faire la prière, soi-disant la prière de Jumu'ah. Et puis, ils ont mélangé tout le monde là-dedans, les hommes et les femmes, prient ensemble. Hein. Et puis, pas de hijab et tout. Et puis après, elle se prend pour une imam. Elle veut faire la prière pour les gens mixtes. A'udhu billah minash shaitan irrajim. Heureusement, alhamdulillah, tous les ulama ont répondu à ça. Ils ont déclaré que ça, là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ça n'a pas, cette histoire-là de Umm Waraqa, ça n'a pas rapport avec ce que cette femme a fait. Yani. Et donc, après, le cheikh, il dit, également à cause de la preuve qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière que quelqu'un fait en jama'a, elle a 27 fois plus de récompense que la prière que tu fais seule. Donc ça s'applique également pour les femmes. Si elles prient ensemble entre elles, ça vaut plus que si elles prient toutes seules. Après, le cheikh il dit, « وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره لأنه حصل بذلك على ثواب عمارة المسجد فقد قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Donc le cheikh il dit c'est mieux pour un musulman que s'il y a dans une, si une mosquée, si dans une mosquée la prière est établie, eh bien qu'il ne prie pas ailleurs que dans la mosquée dans ce cas-là, pour avoir la récompense du fait de peupler la mosquée d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 18 dans sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de la foi de la personne qui peuple la mosquée, les mosquées d'Allah, en disant que ceux qui peuplent les mosquées d'Allah, c'est uniquement ceux qui ont la foi en Allah et au jour dernier. Et ensuite, le cheikh il dit ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره لأنه أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. الحديث dit que le cheikh il dit que c'est mieux pour une personne de prier en groupe dans la mosquée. Plus le groupe est grand, plus la récompense augmente. Donc, c'est-à-dire la récompense est proportionnelle à la jama'a. Plus la jama'a est grande, plus la récompense est grande. Et il dit que ça c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la prière d'une personne ou d'un homme avec un autre, c'est mieux que sa prière toute seule. Et la prière d'un homme avec la prière de deux avec sa prière avec deux hommes, c'est mieux que sa prière avec un. Et plus le nombre est grand, plus Allah aime cette prière. Donc ça veut dire que plus le nombre est grand, plus la récompense est grande, inshallah. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et Ahmad, et Ibn Hibban l'a déclaré sahih. Toutefois, j'ai cherché en fait, j'ai pas trouvé de mention de ça. J'ai pas trouvé de mention de cette histoire pour savoir est-ce que c'est sahih ou non. Malheureusement. Donc, d'accord. Et puis au sujet de Umm Waraqa, le hadith de la femme qu'on a parlé là tout à l'heure, ça c'est une histoire qui est rapportée, qui est hassan. Le cheikh Al-Albani il l'a déclaré hassan. Ok. Et puis donc c'est un bon hadith, on peut l'utiliser. Et après le cheikh il dit donc ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc le cheikh il dit que plus le groupe est grand, plus la récompense est bonne et plus la prière est meilleure. Et pourquoi? Parce que le fait que lorsqu'on est réunis, ça fait descendre la miséricorde d'Allah ainsi que la sérénité. Et puis yani ça fait en sorte que le dua qu'on fait risque plus d'être a plus d'espoir d'être répondu ou exaucé. Et en particulier si il y a parmi les gens des ulama et des gens de bien, et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 108 dans sourate Tawbah, il y a dans cette mosquée des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Et ça c'est à propos de Masjid Quba, dans sourate Tawbah. Après le cheikh dit فيه استحباب الصلاة مع الجماعة أو مع جماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإصباغ الوضوء. Il y a une preuve donc qu'il est recommandé de prier dans une mosquée où les gens sont pieux et ils préservent la purification et qui font correctement leur wudu. ils étendent leur wudu. Après le cheikh il dit ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. Il dit que le mieux également c'est de prier dans la mosquée la plus ancienne et que c'est préférable à cause du fait que l'obéissance a précédé dans cette mosquée-là. Après le cheikh il dit ensuite qu'est-ce qui est plus méritoire. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدها فأبعدهم ممشى. Donc le cheikh il dit qu'il est préférable également de prier dans une mosquée qui est plus éloignée, qui a une distance plus éloignée, parce que yani, tu fais plus de pas, hein, donc tu fais plus de récompenses en te dirigeant vers cette mosquée-là. Et c'est mieux donc de prier dans la mosquée qui est loin que dans la mosquée qui est proche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui a plus de récompenses, c'est la personne qui marche le plus, hein, qui doit marcher plus loin pour y arriver. Et ça c'est muttafaq alayhi selon Abu Musa et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Ensuite il mentionne un autre hadith qui dit qala sallallahu alayhi wa sallam salatul jami'a tazidu ala salatihi fi baytih wa fi souqih 25 daraja fa in ahadakum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu wa ata al-masjid لا يريد إلا الصلاة فقد لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. نعم سأستحدث كي إقال ما صحيح c'est muttafaq alayh rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Ça dit que la prière en groupe est la plus de récompense que la prière d'une personne qu'il fait dans sa maison, et la prière que quelqu'un fait dans son marché ou dans son commerce, hein, et bien donc la prière que de la jama'a a 25 fois plus de récompense que ces prières-là que tu fais soit dans ta maison ou dans ton commerce. Donc c'est préférable d'aller prier avec la jama'a. Et après il dit, parce que l'un d'entre vous, lorsqu'il fait son wudu et qu'il le fait bien, et qu'il part pour la mosquée, et que son but, son intention, c'est pas autre chose que d'établir la salat, eh bien chaque pas qu'il fait, ça l'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un degré, et ça lui le rabaisse ou ça lui enlève un péché, hein, jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Donc chaque pas qu'il fait, il y a un qui l'élève en degré et l'autre qui pardonne ses péchés. Donc ça c'est quelque chose qui encourage les gens à faire plus de pas pour arriver à la mosquée. Et même certains parmi les sahaba, quand ils marchaient, ils faisaient exprès pour faire plus de pas, justement pour avoir plus de récompenses, yani lorsqu'il marchait pour s'en aller à la mosquée. Après le cheikh il dit wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam ya bani salama diyarukum tuktabu atharukum. Ça c'est apporté également par Muslim. Il dit oh vous bani salama, vos maisons écrivent vos traces, yani le fait que vous habitez loin, yani ça fait que vos traces, vous avez les récompenses du fait que vous habitez loin à cause des pas que vous faites. Donc ça c'est à peu près la signification. Diyarakum tuktabu atharukum. C'est-à-dire restez là où vous êtes, parce que je pense que ça c'est déjà d'après l'explication du hadith qu'ils habitaient à une distance éloignée et ils avaient envie de déménager à un endroit plus proche de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a incités à rester là où ils étaient, justement parce que ils étaient loin et donc il leur disait que vos traces de pas sont écrites, c'est-à-dire vous avez des récompenses en faisant tous ces pas-là pour vous diriger vers la mosquée. Et donc c'est ça. Et après, le cheikh dit, وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوار فكان أحق بصلاته فيه لأنه قد ورد لا صلاة لجار إلا في المسجد ولأن تعدى المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا ولعل هذا القول أولى لأن تخطى المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساء به الظن. Donc le cheikh il dit ici que certains ulama, eux ils voient que c'est préférable de prier dans la plus proche des deux mosquées, celle qui est proche, c'est-à-dire celle qui est avoisinante. Pourquoi? Parce qu'il dit que il y a un hadith, le hadith qu'on a mentionné au début, là, pas de prière pour celui qui est voisin d'une mosquée, excepté dans la mosquée. Et on a mentionné toutefois que ça, c'est un hadith daïf. Il est mentionné daïf par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Donc, ça, c'est pas utilisable comme une preuve. Toutefois, il dit également que le fait que, par exemple, quelqu'un laisse tomber la mosquée qui est proche pour se diriger vers celle qui est plus loin, ça peut faire en sorte que les voisins vont trouver ça étrange. Et donc le cheikh il dit que par contre la première opinion, celle qu'il a mentionnée tout à l'heure, c'est plus valable, parce que le fait de faire plus de pas à la mosquée, il dit que cette opinion-là, pour lui, est mieux. C'est-à-dire l'opinion qu'il faut prier dans la mosquée qui est plus proche. Il dit que c'est mieux. وَلَعَلَّ هَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى. Parce que, il dit, si tu dépasses cette mosquée, si tu habites proche d'une mosquée, tu pries à une autre mosquée plus loin, ça fait en sorte que, peut-être que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que plus personne va prier dans la mosquée qui est à côté. Et donc, ça va déranger l'imam, et les gens vont penser du mal de lui, des choses comme ça. Peut-être qu'ils vont penser que si les gens ne viennent pas prier à la mosquée derrière lui, c'est parce qu'il a quelque chose. Donc, il dit que c'est préférable de prier à la mosquée qui est plus proche. Mais c'est pas, comme on voit, c'est pas un gros désaccord là, sur ce sujet-là. C'est question, de jugement, Celui qui a le temps, qui veut faire plus de récompenses, il fait plus de pas. Celui qui est pressé, il prie à côté. Le cheikh, il dit. Et là, c'est encore une fois, là, on voit que ça, c'est en particulier pour l'Arabie Saoudite, parce que là-bas, il y a des mosquées à presque à chaque coin de rue. C'est pas comme ici. Donc, subhanallah, là-bas, il y a une mosquée ici, puis il y a peut-être 100 mètres à côté, il y a une autre mosquée. Et puis, donc les mosquées dans les quartiers sont très proches les unes des autres. Et souvent, tu peux entendre, parfois même, tu es dans une mosquée, tu fais la prière avec un imam, et tu entends l'autre imam dans l'autre mosquée qui est en train de réciter en même temps. Parce que, malheureusement, il y en a là-bas, il y a même des ulama qui ont parlé de ça, du fait que certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent le Coran à haute voix, dans le micro, dans le haut-parleur. Walaykum salam wa rahmatullah. Na'am. Donc, ça dérange parfois même les imams entre eux, avec le fait qu'ils récitent la prière dans le haut-parleur. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, c'est ça. Le cheikh dit, ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يأم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ففي صحيح مسلم وغيره لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. Ok, ça, c'est que le fait que lorsque parmi les règles de la prière en groupe, il est interdit que quelqu'un dirige la prière dans une mosquée alors qu'il y a un imam fixe dans cette mosquée-là. S'il y a un imam qui a été délégué, qui est fixe dans cette mosquée, personne ne peut guider la prière dans cette mosquée-là, excepté avec sa permission et ou bien du fait qu'il s'est excusé, qu'il ne peut pas être présent. Et ça, c'est rapporté par dans Sahih Muslim et d'autres également. Et c'est un hadith qui dit que personne ne doit diriger un autre, excepté un autre qui a une autorité, excepté avec sa permission. Et le cheikh il dit قال الإمام النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. Donc il dit, l'imam al-Nawawi a dit que la signification de ce hadith là, c'est que la personne qui est dans une maison, si tu es chez toi par exemple, quelqu'un, les gens viennent chez toi, c'est toi qui a plus d'autorité dans cette maison puisque c'est ta maison. Donc personne ne peut guider la prière sans ta permission dans ta maison. La même chose si tu es imam d'une mosquée, hein. C'est la même chose, tu as un droit sur les autres du fait que c'est toi qui es en charge. Et donc le fait de guider la prière alors qu'il y a un imam qui est désigné, eh ben, yani, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du mal à cet imam et ça éloigne les gens de cet imam. Également, ça divise les musulmans. Donc, c'est quelque chose de mauvais. Et le cheikh il dit: وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يصوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها. Donc ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه كما يجب على إمام المسجد أن يحترم المأمومين ولا يحرجهم. Ouais, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit que certains ulama sont même allés jusqu'à dire que si une personne a prié, si par exemple une autre personne que l'imam a désigné a prié, a guidé les gens dans la prière sans la permission de l'imam ou sans une excuse valable selon la charia qui le permet, eh bien, ça fait que la prière de ces gens-là n'est pas acceptée, n'est pas valable. Ça montre le danger de cette question. Et donc, il dit que c'est très important de ne pas se laisser aller, de ne pas prendre ça à la légère, cette question-là, c'est très sérieux. Et donc, c'est obligatoire pour le groupe des musulmans ou les gens, la jama'a des musulmans, d'avoir un respect et de prendre en considération le droit de leur imam et de ne pas dépasser ce droit-là qu'il a sur eux. Et c'est obligatoire également pour l'imam de la mosquée d'être respectueux du droit des gens qui prient derrière lui et de ne pas les mettre dans des situations déplaisantes parfois si l'imam prend trop de temps pour arriver à la mosquée ou retarde, et donc ça crée des complications pour les gens. Donc c'est préférable, comme dans les deux sens, qu'il y ait un respect du côté de l'imam et du côté des gens qui prient derrière lui. Ensuite, le cheikh il dit: وَهَكَذَا كُلٌّ يُرَاعِي حَقَّ الْآخَرِ حَتَّى يَحْصَلُ الْوِئَامِ وَالتَّآلُفُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ فَإِنْ تَأَخَّرَ الْإِمَامُ عَنِ الْحُضُورِ وضاق الوقت صلوا لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. Donc le cheikh il dit voilà comment les musulmans doivent se préoccuper les uns des autres de l'intérêt des autres, hein. Chacun doit avoir se préoccuper du bien de l'autre pour qu'il y ait une harmonie et une concordance entre entre l'imam et entre les gens qui prient derrière lui dans la mosquée. Et donc si l'imam se retarde par exemple et que le temps est serré, c'est préférable qu'il prie sans l'imam dans ce cas-là, parce que si l'imam se retarde trop, dans ce cas-là ils peuvent faire la prière sans l'imam. Et il mentionne comme exemple l'acte ou l'action de Abu Bakr Siddiq et l'action de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est absenté, lorsqu'il est allé voir Bani Amr ibn Auf pour faire conciliation entre les gens. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a prié pour les gens, il a prié avec les gens. C'est mentionné dans Al-Bukhari Muslim selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. Et également Abdurrahman ibn Auf a prié également pour guider les gens dans la prière lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retardé dans une autre occasion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et il a prié avec lui la dernière rak'a. Et lorsque, par la suite, il a complété sa prière, et après il a dit « Ahsantum », c'est-à-dire « Vous avez bien fait ». C'est-à-dire « Vous avez bien fait de commencer la prière sans moi », dans ce sens-là, yani, parce qu'il a retardé. D'accord ? Donc, alhamdoulilah, yani, il y a donc un exemple de ça dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, yani, actuellement, c'est ça, dans les pays occidentaux, yani, les gens n'ont pas de respect parfois pour les situations comme ça, les imams, et le respect de l'imam et tout ça. Et parfois même, ils se permettent de désobéir à l'imam et de faire des jama'at et de faire des choses dans la mosquée sans la permission de l'imam. Et ça, ça vient du fait que parfois, des fois, les musulmans certains sont devenus anarchiques. Yani, ils respectent pas l'autorité, ils respectent pas le droit des gens qui sont au-dessus d'eux, qui ont une autorité sur eux, ou des choses comme ça. Et ils croient que ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam. Et donc ça, c'est en réalité contraire aux règles de l'islam qui ordonne d'obéir à ceux qui ont une autorité au-dessus de nous. Et d'avoir un respect pour ces gens-là. Donc, il y a ça, et après le cheikh, il dit, وَمِنْ أَحْكَامِ صَلَاتِ الْجَمَعَةِ أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت لحديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قال للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنها لكما نافلة ولأن لا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. Donc il dit également le cheikh que parmi les règles de la jama'a, il y a le fait que, yani, lorsque quelqu'un arrive à la mosquée, ok, et qu'il a déjà prié, et qu'il a prié avec la jama'a dans une autre mosquée, on va dire, et qu'il arrive à une autre mosquée où les gens n'ont pas encore prié, eh ben, il doit prier avec eux cette jama'a-là, même s'il a déjà prié. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abi Dhar. Lorsque tu prie la prière dans ton temps, et lorsque la prière est établie dans la mosquée, alors va à la mosquée et prie dans la mosquée. Il ne dit pas j'ai déjà prié donc je ne vais pas prier. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Et cette salat là, pour cette personne là, ça va être comme une prière surérogatoire ou supplémentaire, d'accord? Comme c'est rapporté également dans un autre hadith, les paroles des deux hommes qui sont rentrés à la mosquée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis derrière la mosquée, ils n'ont pas prié. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, il leur a dit, est-ce que vous n'êtes pas des musulmans, vous deux? Et puis, donc c'est ça. Pour pas que les gens, lorsqu'ils arrivent à la mosquée, ils ne prient pas, donc les gens vont commencer à penser du mal d'eux, ils vont s'imaginer que ces gens ne prient pas, donc ça donne une mauvaise image. Donc pour éviter ça, les gens, même si tu as prié déjà, tu pries encore. Après le cheikh il dit, وَمِنْ أَحْكَامِ صَلَةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وفي رواية عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. Donc le cheikh il dit donc que parmi les règles de la prière en jama'a, c'est que si tu es en train de prier une sunnah et que tu entends l'iqama, hein, et bien dans ce temps-là tu ne dois pas commencer à faire une nafila. Et si tu es en train de faire une nafila, que ce soit tahiyat ou le masjid, le salut de la mosquée, ou bien une autre nafila, ou peu importe, tu la laisses, tu sors de cette nafila et tu rentres dans les rangs pour faire la prière obligatoire avec l'imam. Comme le prophète Sam a dit, lorsque l'iqama est établi pour la prière, alors il n'y a pas de prière excepté celle qui est obligatoire. Et dans une autre narration, ça c'est rapporté par Muslim, selon Abi Huraira, et dans une autre narration, selon Ahmad, il n'y a pas de prière excepté celle pour laquelle il y a l'iqama. Et donc, tu ne peux pas faire une prière nafila lorsqu'il y a l'établissement d'une prière obligatoire. Ok. الإمام النووي للشيخ قال الإمام النووي رحمه الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشغل بالنافلة ولأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة لحصول تكبيرة الإحرام ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. Donc le cheikh ici il dit que l'imam al-Nawawi a dit la sagesse dans ça c'est le fait que tu disons te libères de toute chose que tu fais pour faire la prière obligatoire à partir de son début. Comme l'imam commence à la faire, toi aussi tu commences tout de suite. Hein? Et donc tu vas garder comme ça la perfection tu vas garder complètement tout ce qui a rapport avec la prière obligatoire et tu vas pas te laisser distraire ou déranger par les choses qui sont pas obligatoires ou surérogatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de retarder ou de rester derrière ou de contredire les imams. Donc, quand tu respectes ça, eh bien, tu vas avoir la récompense d'être présent lors du premier takbir, takbiratul ihram, et donc tu vas avoir son mérite. Et ça, tu peux pas l'avoir excepté si tu es présent et tu es là lorsque l'imam fait le takbir de l'ihram, takbiratul ihram, le premier takbir. D'accord? Et ça, c'est mentionné dans les paroles de النووي ذا المجموع. ensuite le cheikh dit وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة وقد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإن خشي فوت الجماعة فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. شيخ الزي que si la prière est établie, la prière obligatoire est établie, que tu fais la prière sur érogatoire et que t'as presque terminé, hein, alors dans un cas pareil, qu'est-ce que tu fais, yani, tu la complètes mais rapidement, hein, pour pas perdre, sauf si tu penses que tu vas manquer la jama'a, et puis donc le chef dit donc de pas annuler tes actions. Comme c'est mentionné dans le verset 33 dans Sourate Muhammad, sauf si tu, comme j'ai dit, sauf si tu crains de manquer la jama'a, etc. Parce que l'obligation est plus importante. Donc, yani, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, on va étudier la question des règles qui ont rapport avec qu'est-ce que tu fais lorsque tu arrives à la mosquée. Et que la prière est déjà commencée, qu'est-ce que tu fais? Et je ne sais pas si on aura le temps de faire les règles en ce qui concerne la personne qui arrive, la prière des femmes à la mosquée ou des choses comme ça. On verra, Inch'Allah, si on a le temps ou non. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et puis je suis désolé pour l'inconvénient du téléphone. Ben, heureusement, tout est enregistré, Inch'Allah, donc vous pourrez reprendre la partie que vous avez manquée, d'accord? Donc, barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. À demain, Inch'Allah.